Bonsoir à tous, il est 18h, l'info flash de ce vendredi, c'est de main de maître. On retrouve Olivia en duplex de Strasbourg dans l'atelier de Xavier Noël, d'horreur ornemaniste. Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, de main de maître, animé par Olivia. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, l'émission qui va dans les ateliers d'art à la rencontre des artisans d'art. Aujourd'hui, je suis à Strasbourg, au Neudorf précisément, dans l'atelier de Xavier Noël, d'horreur ornemaniste. Xavier Noël, merci de me recevoir chez vous. Merci à vous. Donc vous êtes d'horreur ornemaniste, c'est-à-dire ? C'est deux métiers en un. C'est à la fois le métier de d'horreur, donc le travail de la feuille d'or, et le travail des ornements, donc comme je dis d'habitude, c'est tout ce qui se passe en dessous de la feuille d'or. Alors l'Alsace ne compte que 10 artisans d'horreur. Vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier ? C'est un peu le hasard. J'avais envie d'apprendre un métier artisanal, donc d'avoir les mains dans la matière. Et un jour, je suis rentré dans un atelier d'horreur. Je connaissais absolument pas le métier, ni les techniques, ni les matériaux, et j'ai tout de suite eu envie d'apprendre ce métier. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, il y a eu surtout une fascination, des choses que j'ignorais totalement et j'avais envie de comprendre. Et quel type d'objet fait habituellement un d'horreur ornemaniste ? Alors généralement, quand on est d'horreur, on travaille en restauration. Donc en restauration pour des particuliers ou pour les monuments historiques, il y a très très peu de créations en dorure. Donc en restauration, on travaille sur des cadres, sur des miroirs, sur des statues, et éventuellement donc sur des autels dans les églises, sur des ornements, sur des bâtiments en extérieur, en intérieur. Vous restaurez des objets, certes, en utilisant le savoir-faire traditionnel des d'horreur, sauf que vous réalisez des pièces, on va dire de façon contemporaine, avec de la poésie. Racontez-nous. Alors oui, quand j'ai appris mon métier, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en tant qu'apprenti chez un meilleur ouvrier de France qui travaillait exclusivement en restauration. Et j'ai une formation de plasticien, j'aime pas trop ce terme, mais j'ai fait une fac d'art plastique auparavant. Et j'avais donc ce double bagage, à la fois la restauration et la création. Et j'avais envie de lier les deux. Donc dans l'encadrement, dans les formes traditionnelles qu'on retrouve chez les doreurs, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Et donc je me suis tourné vers des formes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve généralement chez un doreur. Alors justement, quand vous parlez de formes, vos thèmes de prédilection sont les poissons et maintenant les masques. Alors pour n'en citer que quelques-uns, on a le lustre numéro 1 qui est fait de chêne, de laiton, de 100 sardines en or. Oui, vous avez bien entendu, 100 sardines sur du carton pierre. Et puis plus récemment, un mini-masque de la collection Bouchons de pêche. Toutes ces créations, vous pourrez les retrouver sur la page Facebook de Main de Maître. Dans ces créations, il y a souvent beaucoup d'imagination, de poésie. Pourquoi cette obsession des poissons et des masques ? Alors, j'ai commencé, le premier objet que j'ai créé pour l'atelier, c'était le lustre. Effectivement, avec donc ce banc de 100 sardines, les pièces qui sont enchaînées par la suite étaient toutes autour du poisson. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi le poisson, si ce n'est qu'en fouillant un peu dans ma mémoire, mon père et mon frère sont pêcheurs. Moi, j'étais trop impatient quand j'étais petit pour pêcher, donc j'observais les poissons qu'ils avaient pêchés. Ouais. J'observais aussi les bouchons qu'ils utilisaient, les couleurs qu'il y avait sur les poissons, sur les bouchons. C'est des choses qui sont dans ma mémoire et que j'ai retranscrit dans mes pièces aujourd'hui. Les masques, c'est une série qui est venue il y a 2 ans. Là, pareil, c'est, je pense, un bagage dans ma mémoire de choses que j'ai vues qui m'ont inspiré au fil des années. Et puis, je me suis rendu compte à un moment, en faisant des recherches, que dans l'ornementation qu'on retrouve dans les masques, dans les collections d'art premier, il y a des similitudes avec l'ornementation qu'on utilise en dorure traditionnellement depuis le 18e. Donc, j'avais envie de créer un lien entre ces deux aspects, et c'est pour ça que j'ai créé cette série. Alors, vos créations, elles sont aussi souvent décalées. Je pourrais même dire avec un zeste d'irrévérence. Alors l'irrévérence, c'est un petit peu pour faire un pied de nez au côté un peu galvaudé qu'ont parfois les métiers d'art. Souvent c'est des métiers séculaires, donc il y a des traditions qui sont très très fortes. Je pense que pour faire avancer ces métiers, pour les sortir un petit peu du carcan dans lequel ils sont enfermés, je pense qu'il faut un petit peu mettre parfois un coup de pied dans la fourmilière, et c'est ce que j'essaye de faire. Alors justement, parlez-nous du masque que moi j'ai intitulé « Malabar d'horreur récit ». Ce masque-là, c'était vraiment pour pousser à l'extrême cette idée d'irrévérence. En fait, la feuille d'or, enfin le travail de d'horreur, c'est un travail de finition. Et c'est le travail de finition le plus précieux qu'on retrouve dans les métiers connexes à l'ébénisterie. Et donc ce matériau qui est tellement précieux, la feuille d'or, j'avais envie vraiment de lui associer un matériau qui soit radicalement opposé sur l'échelle de la préciosité, entre guillemets. Et donc je me suis posé la question de quel pouvait être ce matériau et quel pouvait être un matériau assez malléable pour en créer quelque chose, et je suis tombé sur le malabar. Le malabar, ça me paraissait vraiment être le matériau opposé à la feuille d'or. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce masque mi-malabar, mi-feuille d'or, du coup, à quoi il ressemble ? C'est un masque qui reprend une forme très traditionnelle de masque d'Océanie, et qui a donc une couronne assez importante, puis deux grandes oreilles, et puis une forme plutôt ronde au milieu. Et donc, il est recouvert d'environ 80 malabars, qu'il a fallu mâcher. C'était un peu cauchemardesque à faire, je le referai plus aujourd'hui. Et puis ensuite, donc recouvert de feuilles d'or, donc il y avait à peu près une trentaine de feuilles d'or dessus. Alors après les masques, ce sera quoi ? Alors après les masques, je suis déjà dans l'après-masque. En fait, j'ai commencé au mois de janvier 2015 une série qui a pas vraiment encore de nom, que les gens qualifient un peu de totem. Alors je suis pas très sûr du terme du totem, parce que c'est un terme qui est assez précis et qui est lié à quelque chose de mystique. C'est plutôt des formes un peu différentes. Ce sont des masques à poser, finalement, plus des formes à accrocher, comme ce que j'avais fait en 2014. Ils ont aussi une taille bien supérieure à ceux que je faisais auparavant. Alors, prenons l'exemple d'une création un peu plus ancienne, celle de la sardine dans sa boîte. Combien y a-t-il d'étapes entre le bois brut et la pièce finale ? Alors la sardine, et généralement tous les objets que je fais qui sont de petite taille sont pas forcément faits sur bois. D'accord. Donc la sardine, il n'y a pas de bois, c'est un matériau qu'on appelle le carton-pierre. Pour faire simple, c'est une pâte à modeler qu'on fabrique soi-même en dorure à base de colle, de craie et de fibres de papier. Et on en fait une pâte à modeler qui sert traditionnellement à faire les ornements sur les cadres. Et moi je m'en sers pour faire des petits objets autonomes. Donc là, il y a d'abord, on façonne la sardine. Oui. Ensuite, il y a un travail de dégrossissage, de ponçage. Puis interviennent les étapes de dorure comme si on était sur un morceau de bois. Donc en gros, pour une pièce comme ça, il y a une quinzaine d'étapes. Ouais. Entre le moment où on prend un fil de fer pour faire l'armature de la sardine jusqu'au moment où on a fini de poser la couche de vernis sur l'œil. Et quel type de matériaux travaillez-vous du coup ? Vous venez de dire du bois, du carton-pierre, est-ce qu'il y a d'autres choses ? J'essaye de diversifier au maximum les matériaux qu'on utilise normalement en dorure, encore une fois pour aller sur des pistes un peu différentes et puis trouver des nouvelles choses. Donc quasiment dès le départ, j'ai travaillé sur des plumes. Là, j'ai intégré dans mes dernières pièces des pompons. Je travaille généralement avec du bois qui est pas le bois aussi précieux qu'on travaille généralement en dorure. Donc c'est pas un bois qui est passé entre les mains d'un menuisier ou d'un ébéniste. C'est du bois brut. Donc en ce moment, je travaille sur du bois qui est du bois de chauffage. Les pièces précédentes, les masques, étaient pour la plupart faites sur du bois flotté. D'accord. Du bois flotté que je récupérais au bord du Rhin. Donc là, je pars d'un morceau de bois brut, un morceau de bois de chauffage qui a encore son écorce. Donc oui. Le but, vu que l'écorce n'est pas du tout stable, c'est d'écorcer le bois pour pouvoir avoir du bois brut. Donc on y va. C'est un peu plus physique, là, effectivement. C'est une partie un peu plus physique. C'est vraiment le début. Donc, on finit avec des étapes très, très délicates. Mmh. Mais on commence avec des étapes qui sont un peu plus brutales. Et donc là, vous allez faire tout le tour, en fait, une tronçon. Bah, c'est un petit rondin de tilleul qui fait environ 50 cm de haut, qui sera certainement un futur totem. Et donc, il faut, donc, toute la circonférence, enlever l'écorce. Donc, ça va, elle s'enlève plutôt bien. Des fois, c'est un peu plus délicat. Alors cette étape-là, elle est quand même très importante maintenant, c'est l'apprêtage. Donc l'apprêtage, c'est, entre guillemets, on peint le bois, on vient poser des couches d'un mélange de colle et de craie. Il y a à peu près, minimum, il y a 9 couches de cet apprêt. Entre chaque couche, il y a 24 heures de séchage. Théoriquement, on peut accélérer un peu les choses. Et plus on s'éloigne du bois, plus il faut que ce soit faiblement dosé en colle, pour que ce soit plus facile à poncer après. Et quand on a un cadre qui est un peu abîmé, souvent on se dit que c'est du plâtre. Mais en réalité, c'est ça qu'on voit. C'est l'après, c'est un mélange donc de colle et de craie. Et le blanc, qu'on confond avec le plâtre, vient de la craie. D'accord. Donc là, c'est l'étape du ponçage. Donc c'est une étape qui est incontournable, puisque pour obtenir une surface brillante, il faut qu'elle soit lisse. Donc quand on a passé plein de couches dessus, éventuellement il y a des traces de pinceau, il y a des petites aspérités, donc c'est ce qu'on doit essayer d'enlever. Et c'est une étape qui requiert un peu de force et quand même pas mal d'huile de coude, parce que ça peut durer longtemps. Et on doit utiliser beaucoup de papier de verre avec des grains différents pour obtenir, en partant du grain le plus fort jusqu'au plus faible, pour obtenir une surface très très lisse qui n'ait plus aucune rayure. Et ça, c'est long. Donc là, vous faites quoi, Xavier Noël ? Là, je suis en train de faire fondre de la colle pour réaliser ce qu'on appelle de l'assiette. Donc l'assiette, c'est les dernières couches de colle qui interviennent juste avant la dorure. D'accord. Donc c'est un mélange de colle et d'argile. Donc une argile qui est rouge. Et c'est ce qu'on voit des fois quand la feuille d'or est usée. Sur un cadre ancien ou un meuble ancien, la feuille d'or est usée. Ouais. Et on voit un peu de rouge en dessous, ce sont ces couches de colle qu'on voit. Donc là, vous faites chauffer, c'est ça ? Ouais, c'est des colles qui sont faites au bain-marie. Donc traditionnellement, en ébénisterie, on utilise toujours des colles animales qui sont chauffées au bain-marie. Donc c'est un peu comme de la gélatine. Mmh. On ne doit pas excéder une certaine température, donc faut faire très attention, sinon les colles sont fichues. Je mélange dans cette colle qui est devenue liquide une pâte qu'on appelle de l'assiette, qui est un mélange de différentes choses, et notamment du bol d'Arménie et de l'argile. D'accord. C'est presque un atelier de cuisine. Hein. C'est souvent la réflexion qu'on me fait quand les gens viennent à l'atelier. Ils voient des casseroles, ils voient des boîtes de conserve, ils voient des rouleaux à pâtisserie, des jattes. Mais c'est vrai que c'est une cuisine quelque part. Et donc là, Xavier Noël, vous allez faire le carton-pierre. Ouais, le carton-pierre, donc le carton-pierre qui sert à faire traditionnellement les ornements. Mmh. Donc c'est une pâte, comme une pâte à modeler, qui est fabriquée à chaque fois selon les besoins, parce que c'est une pâte qui est à base de colle animale, donc elle est périssable cette colle. Donc on peut garder le carton-pierre au frais, à l'abri de l'air pendant quelques jours. Mmh. Donc c'est un mélange de colle, de craie, donc de craie en poudre, hein, tout simplement, et de fibres de papier. Et donc, on travaille cette pâte. Là, je suis en train de la travailler dans une casserole avec une spatule. On est toujours dans la cuisine. Et donc, on doit malaxer tout ça pour que ça donne une pâte homogène qui permette de faire donc des ornements, ou éventuellement en restauration de faire du bouchage quand on a des petites cassures sur un cadre. Voilà, on peut boucher avec cette pâte. Ça, généralement, quand on est apprenti, on fait le carton-pierre. C'est la première étape. C'est un peu ça, ouais. Le passage obligé. C'est un peu ça. C'est des choses qu'on doit faire assez régulièrement, c'est pratique pour le patron d'avoir les apprentis qui fabriquent le carton. Donc j'en ai fait pas mal quand j'étais apprenti. Et aujourd'hui, j'arrive... Vous maîtrisez maintenant. Je le maîtrise assez bien, voilà. Quand on a fini de poser ces couches d'assiettes, donc au nombre de 6 généralement, on pratique ce qu'on appelle la dorure à la détrempe. Alors la dorure à l'eau, dorure à la détrempe c'est pareil, c'est la technique la plus noble de dorure, celle qui permet d'avoir les contrastes mat brillants qui font la beauté du travail. Et donc cette dorure à l'eau consiste à détremper entièrement le support qu'on a travaillé, donc avec des gros pinceaux imbibés d'eau. Vraiment, il faut que l'eau déborde, coule, il faut que la surface soit entièrement trempée. Et on vient saisir la feuille d'or, donc on peut pas toucher à la main. Donc c'est avec un petit pinceau qui est très très fin et très large, qui s'appelle une palette. On vient attraper la feuille d'or, elle va coller sur la palette, et elle va être happée par l'eau. Donc par un système un peu physique, c'est à la fois l'électricité qui est en jeu, l'électricité statique, etc. Mais donc la feuille d'or est complètement happée par l'eau et elle va épouser tous les reliefs du support. Et une fois qu'elle a séché, donc généralement c'est 24 heures de séchage, pour être sûr que toute l'eau soit partie et qu'on ait une surface dure, oui. On vient sur les parties qu'on veut brillantes, écraser la feuille d'or avec une pierre d'agate qu'on appelle un brunissoir aussi, qui est une pierre semi-précieuse qui est très très lisse et très très dure. Oui. Qui a une forme de dents de loup la plupart du temps. Alors dents de loup parce que au XVIIIe siècle on utilisait réellement des dents de loup, ah. Parce qu'elles étaient très dures et très lisses. Et du coup on a gardé ces formes là qui vont épouser un peu tous les supports. Et donc on va faire écraser la feuille d'or comme ça de manière parallèle, mmh. On va faire des traits parallèles. Et donc, en faisant ces traits parallèles, on va à peu près avoir le même effet que quand, avec un papier de chewing-gum ou de Ferrero Rocher, on l'écrase avec le revers de l'ongle, on obtient une surface brillante. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va écraser la feuille d'or sur le support et donner une surface brillante. Et une fois qu'on a fait ça, les parties qu'on n'a pas écrasées vont être mates et les parties qu'on a écrasées vont être brillantes. Donc, on va avoir ce contraste qu'on cherchait à obtenir. Et qu'est-ce qui vous fascine dans votre métier de doreur ornementaliste ? Alors, ce qui me fascine, c'est un peu tout dans le métier. C'est-à-dire que, au départ, ces gestes que j'avais vus dans l'atelier dans lequel je suis rentré une première fois il y a maintenant 6 ans, je les ai acquis, je les ai appris, j'ai réussi à dompter la feuille d'or. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, au départ, quand on commence à travailler la feuille d'or, qui est très impressionnant. On a l'impression que c'est la feuille d'or qui nous domine. Je dis pas qu'aujourd'hui, elle me pose jamais de problème, mais j'ai appris à travailler avec beaucoup plus sereinement. Moi, ce qui me fascine dans ce métier, c'est qu'on peut... on a l'impression que c'est un métier qui est très figé au départ, et en réalité, on peut aller dans toutes les directions, il y a toujours des surprises. De quelle création êtes-vous le plus satisfait ? Je pourrais pas dire que je suis satisfait plus d'une création ou d'une autre. Il y en a dont je, enfin, il y en a qui ont marqué un petit peu l'histoire de mon activité. Bon, il y a que 2 ans et demi pour l'instant. Mm-hmm. Mais le lustre, par exemple, c'était la première pièce. Donc, j'en suis très fier. Après, généralement, ce qui se passe, c'est que quand j'ai fini une série, je fonctionne toujours en série, j'entame une autre série. Et quand je juxtapose la précédente à la nouvelle, je trouve toujours que la nouvelle a beaucoup plus de valeur que la précédente. Quelle qualité, selon vous, doit-on posséder quand on veut être doreur ornementaliste ? Je pense que la qualité principale, c'est la patience. Parce qu'il y a en gros une 20aine d'étapes, généralement entre le bois et la finition. Et toutes ces étapes demandent pas mal de minutie, pas mal de patience et beaucoup de concentration. Donc je crois que c'est la patience, le maître mot. Et peut-être aussi un déclic, comme vous l'avez eu, hein, comme vous l'avez raconté, vous étiez destiné à être enseignant, professeur d'art plastique. Et puis vous êtes rentré dans un atelier de dorure, et là ça a été le déclic pour vous ? Ouais, j'avais déjà un petit peu, entre guillemets, perdu la vocation de l'enseignant, donc je cherchais une autre vocation, et je savais que c'était dans l'artisanat que je travaillerais. Voilà, le déclic, je dirais pas qu'il y a eu vraiment un déclic où je me suis dit je veux plus partir de cet atelier, c'était plus, je me sentais complètement étranger, moi qui étais quand même dans un domaine artistique. Là, les outils étaient quelque part les mêmes, il y avait des pinceaux, il y avait de la peinture, etc., mais je connaissais absolument rien. J'avais envie d'apprendre des gestes et ce métier. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui souhaiterait s'installer en tant que doreur ornementaliste à son compte ? Alors, s'installer en tant que doreur ornementaliste, c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai mûrement réfléchi avant de m'installer. C'est-à-dire qu'on est, en Alsace, on est 10, mais on est déjà très nombreux, du coup, pour le marché, parce que c'est forcément un marché pas énorme. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis orienté vers la création, pour pouvoir diversifier mes champs d'activité, et puis m'épanouir aussi, parce que c'est souvent très gratifiant de faire de la création. Voilà, pour un jeune, il faut vraiment d'abord apprendre le métier, il faut maîtriser à fond un métier avant de pouvoir se lancer. Est-ce que vous, Xavier Noël, vous avez déjà, ou est-ce que vous envisagez de collaborer avec d'autres artisans d'art, d'autres métiers ? C'est une question qui revient souvent parce que j'ai forcément des lacunes dans certains domaines qui sont connexes à mon métier. La sculpture sur bois, je ne sais pas faire. Il y a des choses qui sont très pointues dans le design que je ne sais pas faire, je n'ai pas forcément les machines ni la formation. Donc faire appel à des artisans ou à des designers, c'est quelque chose que je ferai. Maintenant, je suis un peu sauvage, donc j'aime bien travailler dans mon atelier et faire, comme on dit, les pièces verticalement, c'est-à-dire que je fais tout moi-même de A à Z, à la fois récupérer le matériau brut et puis tout ce qui est intervention dessus et puis après communication et vente, quoi. Et la solitude, du coup, ne vous pèse pas trop ? Au départ, quand je me suis installé, c'était un peu un choc. J'étais content d'avoir la radio parce que je me sentais... au début, j'avais pas la radio, d'ailleurs. Je me sentais seul, mais je sais que j'ai souvent du mal à déléguer les choses. J'aime bien avoir un regard dessus, donc je crois que c'est mieux pour tout le monde si je travaille seul. Et 2 ans après l'ouverture de votre atelier, 2 ans et demi maintenant, quel bilan faites-vous ? Je suis plutôt... très satisfait de la tournure que prennent les choses. Après, forcément, c'est un métier qui demande beaucoup de temps pour s'installer, pour se faire connaître, pour montrer des pièces, pour les créer aussi. Ça demande beaucoup de temps. Mais le public a à chaque fois répondu présent avec enthousiasme à mes expositions, à mes créations. Donc, je suis globalement très satisfait de la tournure qu'ont prise les choses. Est-ce que vous avez des nouveaux projets en création ? Toujours. J'ai toujours des nouveaux projets en création, j'ai des carnets dans lesquels il y a des croquis, même parfois je fais pas de croquis pour les pièces, mais il y a certaines pièces qui demandent des croquis, donc il y a quelques pages qui sont déjà noircies par des croquis, et les projets sont toujours un petit peu connexes à des expositions, c'est-à-dire qu'il y a une série d'expositions dans l'année auxquelles je sais que je vais participer, et c'est un peu des phares, je me dis pour cette exposition il faut que j'ai fait 6, 10 pièces, donc voilà, il y a des projets qui vont avec ça, il y en a. Merci Xavier Noël. Retrouvez toutes les créations de Xavier Noël sur la page Facebook de Main de Maître. Retrouvez également sur le site de Fadjet les débouchés, la formation pour devenir doreur ornemaniste. En mai, j'irai à la rencontre d'une créatrice de bijoux installée à Épinal en Lorraine. À bientôt.